marché en bas la pluie. Quand on savait où tellement, tellement, tellement fragile. Venez goûter en moi, moi vais ça cacher. Oh, oh, oh, moi vais ça cacher. Sorti parce que tu savais dans la déjà gris. Oh, à présent, où qu'à trembler, on est la pierre.